Fasse des paroles sur ta compo. Putain, ça coupe encore, ça marche pas internet. Ah, il est parti, panique. Pourquoi il est parti? Il a paniqué. Oh non, elle est nulle celle-là. Elle est nulle celle-là. Non, c'est un problème de connexion. Tu te rappelles? connexion. Bon, t'iras écouter ma cousine, hein, parce que je t'aurais bien fait écouter un morceau, mais elle m'a offert tous ses albums, je ne les ai pas encore tous écoutés.